Depuis mercredi matin exactement, à 6h du matin. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à la poste aujourd'hui pour une semaine de grève là ? Il y a des suppressions d'emplois, 12 en l'occurrence, enfin, avant le conflit. Il y a aussi une remise en question de l'organisation de travail, c'est-à-dire la perte du lien entre l'usager et le facteur, dans la mesure où certaines portions de tournée seraient plus réalisées en permanence par la même personne. Donc de fait, ça remet en question aussi le fondement de notre métier, qui est quand même lié à la relation sociale, que c'est la pause d'ailleurs mettre en valeur à travers ses publicités. Mais par contre, en l'occurrence, sur le terrain, elle remet en question parce qu'elle considère que ce n'est pas une rentabilité suffisante. Parce qu'elle dit quoi la direction à Saint-Nazaire ? La direction à Saint-Nazaire, elle estime qu'en fait, il y a une baisse de trafic courrier qui justifie des suppressions d'emplois et une remise en question de l'organisation de travail. Alors qu'on est quand même sur Saint-Nazaire, sur une ville en plein développement, ouais. Mais que selon eux, malgré le nombre d'habitations en augmentation, ça ne veut pas dire pour autant que les gens reçoivent du courrier. Comme on sait d'ailleurs, il y a des secteurs entiers de Saint-Nazaire où les gens n'ont pas de facture, donc c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça, du moins sur le moment, ça, c'est un souci en moins de quelques heures, voire de quelques jours. Donc c'est vrai que la réalité, bien évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de constructions et qu'ils minimisent le nombre de constructions pour justifier les suppressions d'emplois et pour augmenter la productivité. Au niveau de la productivité, vu que derrière il y a quand même une pression de l'État pour rendre les entreprises, on va dire, semi-publiques, comme la Poste, France Télécom, pour engranger des dividendes, quoi. Et ce qui est quand même un comble que l'État joue aux actionnaires privés, quoi, parce que c'est un peu ça l'enjeu, quoi. Ça veut dire quoi ? La Poste privilégie d'abord les contrats passés avec l'entreprise et ensuite l'usager devient secondaire ? C'est le domaine dont je parlais, c'est plus le fait de réduire la masse salariale pour augmenter les profits, pour pouvoir verser plus de dividendes à l'État et la Caisse des dépôts et consignations. D'accord. Ouais, donc. C'est moins de tournées avec plus de travail, c'est tout le temps suivi au quotidien, hein, des facteurs. Il y a de plus en plus de recommandés, il y a de plus en plus de rues, il y a de plus en plus de. Enfin bref, on est au quotidien, on en a marre, quoi, de subir. La productivité est par la poste, quoi. C'est parce que c'est quoi une journée, j'ai envie de dire une journée type d'un facteur à Saint-Nazaire ou d'un postier, tout ça. Donc on commence de bonne heure, hein, 6h30 ou 7h, et après donc on a 2 à 3 heures de tri. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais. Et ensuite on part en tournée vers 9h30-10h, et après on a quasiment 4 heures dehors, qui pleuve, qui neige, qui vente, sous le soleil, sous le canyon. Et donc là on doit assurer. Assurer l'extérieur, c'est-à-dire dispersion de lettres et des objets et objets spéciaux, colis, petits colis et recommandés. Et le gros souci justement par rapport à cette réorganisation de travail, c'est que la boîte du coup compte des temps pour chaque activité. Sauf que les temps ils sont pas réalistes par rapport à l'activité réelle. C'est quoi compter des temps ? C'est-à-dire par exemple un temps de distribution d'une lettre recommandée. Donc la boîte estime à 1 minute 30 quoi. Par exemple, et alors que concrètement, ils font en général plus de 3 minutes parce que il y a les personnes âgées, il y a les étages, il y a tous ces éléments-là. Et l'entreprise minimise tout ce temps d'activité pour justifier, parce qu'en fait, ils font le calcul après du nombre d'emplois nécessaires en fonction du temps d'activité. D'accord. Donc on est chronométré sur les distances réalisées, on est chronométré sur toute l'activité. Mettre en place le lean management, donc concrètement, au niveau des centres courriers pour augmenter la productivité, quoi. Donc ce qui fait que ça engendre derrière beaucoup de TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc on a de plus en plus de collègues qui se retrouvent avec des problèmes de santé importants. Au niveau des épaules, des genoux, du dos, c'est de plus en plus difficile. Et ce qui engendre derrière des risques aussi concrètement de licenciement, parce que quand on a des inaptitudes au travail, on sait comment ça se termine malheureusement. Oui. Et plutôt que de faire de la prévention, par exemple, en faisant des propositions, ce qui parle une baisse d'activité effectivement, mais de valoriser ça par des activités, ça pourrait être une réduction du temps de travail par exemple. Faire des boîtes comme EDF, etc. Ça sont à 32 heures. Pas. Reconnaître les difficultés aussi du vieillissement, parce qu'on a quand même une moyenne d'âge de 47 ans au département, au niveau des facteurs. Et donc, nous sur Saint-Nazaire, on a une particularité, puisqu'il y a quand même 30 personnes, qui sont 3 exactement, qui ont plus de 55 ans. Donc c'est une vraie problématique avec. Toujours postier ? toujours possible. Donc un vélo de plus en plus lourd avec une charge de plus en plus importante, mais compliqué quand on a 55 ans, on a de l'arthrose par exemple. C'est clair. Et puis bon, le souci, c'est que comme maintenant, effectivement, on demande à un salarié de travailler encore plus longtemps depuis la dernière réforme, donc ça serait bien que l'entreprise aussi prenne en compte cet élément-là, c'est-à-dire que s'il faut travailler jusqu'à 65 ans, physiquement, sur un vélo, c'est un peu compliqué. On a toujours une sorte de l'établissement. Voilà. Là, il a fini sa journée apparemment. Donc, là, concrètement, en fait, ils nous ont dit que demain matin, il y aura des propositions faites au personnel. Donc, en gros, ils poussent le personnel à devoir faire une journée de grève supplémentaire parce qu'ils n'ont pas voulu faire de propositions ce soir. Liste après-midi, ce soir. C'est quoi, ça joue le pourrissement du conflit ? On peut le supposer, effectivement, la direction a intérêt à le faire. Mais bon, après, on sait que la direction, par exemple, nous, on a réussi à bloquer les établissements, c'est chose qui n'était jamais arrivée depuis très très longtemps. Je sais pas, bref, vendredi notamment, donc les deux sites où il n'y a aucune lettre, aucun colis qui est sorti des centres de distribution de Saint-Nazaire. Ça, c'est un super acte, un acte fort de la part des salariés. C'est évident, et qui a permis justement d'ouvrir des négociations assez le lendemain, finalement le samedi matin, Et je pense qu'il faut passer par un blocage. C'est dommage d'arriver à un blocage pour pouvoir ouvrir des négociations. Voilà. Et là, c'est vrai que le chantage au niveau de la direction, c'est vous retirer le blocage et après on fera des propositions. Ouais. Sauf que samedi, ils ont retiré le blocage et lundi, il n'y avait aucune proposition. Donc d'où la colère, voilà. Et donc aujourd'hui, ils ont essayé d'en vendre la même. Tant que c'est bloqué, il n'y aura pas de négociation possible. Et en fin de compte, vu que le personnel est rentré dans le centre en montrant sa colère, la boîte a avancé en disant « bon, il y aura quand même des négociations demain matin, à condition que cet après-midi, vous levez le blocage ». Donc on verra, on laisse une chance effectivement à la direction de faire avancer pour sortir du conflit, permettre aussi aux usagers, parce qu'il y a quand même des gens qui sont en difficulté aussi, parce qu'il y a des chèques, enfin il y a une salariée qui est venue ce matin récupérer son chèque, et donc ce qu'on expliquait à la direction, quoi. Il y a quand même des enjeux derrière, enfin, qui sont importants à titre individuel et puis même pour les entreprises. Donc on ne comprend pas, pour un emploi sur 148, par exemple, ce qui était négocié, pourquoi est-ce qu'il bloque comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, la proportion par rapport au coût que ça a sur le plan économique, sur le plan local pour les entreprises, c'est vraiment pas raisonnable, quoi. On n'est pas dans une... Pour vous, aujourd'hui, votre travail, quoi, au quotidien, est-ce que pour vous, il y a encore un sens du service public et est-ce qu'on est encore dans cette logique aujourd'hui, globalement, à Saint-Nazaire, par exemple, hein? Fort heureusement, les collègues sont attachés au service public. Hein. C'est quand même vraiment une spécificité. On n'est pas une entreprise comme une autre. On est une entreprise, justement, où le lien social est extrêmement important. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont isolées, personnes âgées, qui voient parfois que le facteur. Et la preuve, c'est que le mouvement en place depuis 8 jours gêne réellement les usagers, les entreprises et au-delà. Donc ça veut dire que notre métier, en fait, il est vachement important. Enfin, toute la population et les gens attendent le courrier. Ça reste. Et puis bon, l'État verse encore une somme dans le cadre au niveau de ce qu'ils appellent l'obligation de service public. Parce que tout à l'heure, tu parlais de... un peu de rationalité économique, de... Ah oui, tout à fait. Tu vois, de mesurer... Disons que pour les salariés, c'est une évidence. Voilà. Pour les directions, voilà, c'est une contrainte. Toi, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça obligation de service public. D'un côté, tu distribues le courrier et de l'autre, on te demande une rentabilité économique. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie de... Il y a un paradoxe énorme parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a une notion de rentabilité, ici on est en ville, mais sur des secteurs, en périphérie, comme un montoir où il y a de la campagne, forcément que la rentabilité, quand on fait 3-4 km pour amener une lettre à 60 centimes, évidemment, avant de la rentabiliser, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une réalité de besoin, quoi. Enfin, je veux dire, l'accès, d'ailleurs, on était avec les cheminots la semaine dernière, jeudi, à la sous-préfecture. Je veux dire, les besoins, le besoin d'accès au transport, le besoin d'accès à la communication, le besoin d'accès à la santé, il ne peut pas être lié. Marchand, de fait, parce que ce sont des besoins de base pour l'être humain. Enfin, je veux dire, c'est une réalité, quoi. On a besoin de pouvoir communiquer, hein, on a besoin de pouvoir bouger, quoi. Donc c'est vraiment des notions de base. Et par contre, c'est vrai que malheureusement, on est dans une optique. Bon, ça après, c'est aussi des optiques de politique, hein, qui sont dans faut tout rentabiliser, rationaliser, effectivement. Et du coup, on arrive à des travers où c'est le salarié qui trinque, hein, qui en pâtisse. Donc voilà, quoi. Et comment s'annonce la suite? Vous avez quelques échos par rapport. On nous a dit que demain matin, il y aurait des avancées importantes. Importantes, voilà. Notamment sur l'emploi et sur l'organisation du travail. Donc ouais, on a bon espoir que demain matin, donc on a, au départ, nous avions prévu 9h, mais nous, on a exigé que ce soit plutôt dans l'après-midi aujourd'hui ou plutôt dans la soirée aujourd'hui. Bon, bref, on arrive à un accord sur le fait que ce soit à 6h30 demain matin. Donc voilà, 6h30 demain matin, je pense que même à 7-8h, on sera fixé sur... Puis bon, une chose quand même positive, c'est que les salariés ont montré qu'ils étaient déterminés et que la direction, forcément, voit qu'il faut qu'elle avance. Il y a un moment, il y a toujours autant, depuis le premier jour de grève, on est toujours au même nombre de temps. De grévistes. C'est vachement important. Depuis une semaine. Ouais. On est soudés, ça fonctionne pas mal en intersyndical. Les gens sont soudés, motivés, déterminés, je dirais, parce qu'ils sont quand même là. Rappelez quand même qu'on se lève à 4h du matin, tous les matins, pour aller bloquer les sites et tout. Enfin bref, il y a une espèce de sauce qui s'est créée. Voilà, va falloir aller le casser. Quoi. Tu veux dire que dans la grève, on fait pas simplement grève, mais on se parle, on crée du lien, alors que des fois au travail, on n'a pas le temps de faire un peu de travail. C'est complètement, tout à fait. On se cause, on se repose. C'est clair que le collectif de travail, on se dit les choses. Souvent dans les luttes, complètement, on se dit les choses. Et puis, je crois qu'il y aura un avant et un après, c'est évident. Enfin, c'est évident. Il y aura déjà que ça va permettre de ne pas augmenter la charge de travail, parce que concrètement, les suppressions d'emplois, ça veut dire que la répartition du travail se fait sur les salariés qui restent. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. À bientôt Alain et à bientôt Sylvain. D'accord. Merci.